J'ai mal aux dents. Vous me voyez ? Eh bien, j'enrage. Figurez-vous qu'en cet instant, j'aurais une femme, un ménage, si j'avais été bien portant. J'arrive droit de la mairie, mais patatras, quel contretemps, le jour même où je me marie. C'était prévu. J'ai mal aux dents. C'est ma faute. Avant-hier dimanche, avant de rompre tout à fait, j'ai voulu dîner avec Blanche, et voici comment tout s'est fait. Nous étions seuls, en tête à tête, chez Brébant, tous deux fort contents. Blanche, au hasard, n'était point bête. Moi, je n'avais point mal aux dents. C'était au mieux, comme on le pense. Nous avons fait un dîner fin. Bisque, huîtres, tout en abondance. Vin de champagne et chambertin. Rien n'y manquait, c'était un rêve. Nous étions si gais, si bruyants. Et de l'esprit, j'en eus sans trêve. Ah, je n'avais pas mal aux dents. Au dessert, je devins très tendre. Je pourrais dire sans façon, vous n'êtes pas sans me comprendre. D'ailleurs, j'étais toujours garçon. Blanche était toujours ravissante. Enfin, ce fut plein d'agréments. Ah, je suis d'une humeur charmante, moi, quand je n'ai pas mal aux dents. Bref, à 10 heures, nous partîmes, formant 100 projets amoureux dans le seul fiacre que nous vîmes. Presto, nous montâmes tous deux. Il était ouvert. C'est terrible, en hiver, par le mauvais temps. Juste, il faisait un temps horrible, un vrai temps pour le mal de dents. Un froid glacial, de la neige, un vrai fait exprès. L'on conçoit notre ennui. Bref, que vous dirais-je? J'avais eu chaud, il faisait froid. C'était la mort, le coup suprême. Je gelais dans mes vêtements. Sapristi, disais-je en moi-même, je vais attraper mal aux dents. Parbleu, la chose était bien sûre. Ça n'a pas manqué. Ce matin, je trouvais cette boursouflure à ma joue. Ah, maudit sapin! Bref, que vouliez-vous que je fisse? Je pris mon chapeau, mes gants blancs, et courus sans plus d'artifice faire soigner mon mal de dents. Et cet homme se dit artiste. Mais moi, moi qui n'y connais rien, moi qui ne suis pas un dentiste, j'exercerai tout aussi bien. Et c'est pour ça qu'on fait attendre? Pour ça que l'on me prend 20 francs? Non, ces dentistes sont à pendre avec le mal de dents. Enfin, je file à la mairie, j'arrive, trop tard. Tous déjà ont lâché la cérémonie, seul mon beau-père est resté là. À ma vue, il se met en rage, et tout se rompt en même temps. Bref, j'ai raté mon mariage, et j'ai toujours mon mal aux dents.